Top Chrono, rugby à 15. Allez, à nous, on revient, c'est le cas de dire, c'est à nous. Alors on revient juste après cet intermède musical, on parlait du président Cadillac. Il a bien expliqué tout ce qui s'est passé dans cette journée. Il a été vraiment agréablement surpris par ces finales qui ont été disputées. On serait cru à un certain moment qu'il gagnait la Coupe d'Europe. Ben écoute, comme on l'a dit pendant le direct, Fred, tu sais, les joueurs, quand ils signent une licence, c'est pour vivre ce moment-là. C'est pour vivre une finale à ce niveau-là, au niveau régional. La seule chose que tu espères au mois de septembre, au mois d'août, c'est de te retrouver là avec tes copains au mois d'avril-mai au Parc des Sports. Ils étaient là, tous. Ouais, ils se sont régalés. Ils se sont tapés les longs mois d'hiver. Ils se sont tapés des matchs avec du Mistral en plein hiver, et des entraînements sous la pluie, sous la neige. Et là, ça y est, c'est la fête. C'est le moment que tout le monde attendait. Et puis on a vu des joueurs se livrer, quoi. On a vu, je pense notamment à Tarascon qui fait une finale de folie. Sur le terrain annexe, la réserve de Saint-Saturnin, lorsqu'ils ont gagné, on aurait dit qu'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Et puis une superbe finale entre Uzès et Monteux. Enfin, on a vraiment passé une belle journée avec énormément de monde autour des pelouses. Parfois même presque plus de l'autre côté sur le terrain annexe que sur le terrain d'honneur. Vraiment, c'était une journée parfaite pour le rugby régional. C'est parfait. Alors le rugby, on va y revenir dans deux minutes. Pour l'instant, on va passer au handball parce qu'on a Caroline Solo qui nous attend. Et on reviendra au rugby. On aura Thierry Bertrand de Château-Renard qui sera en direct avec nous pour parler du match face à Beaune ce soir. C'est un petit peu décalé, mais c'est ça le direct aussi. Top chrono, handball. Allez Jean, ils vont remettre handball parce que aussi ce soir, eh bien notre invité ne viendra pas. C'est pour ça qu'on prend un petit peu notre temps. On est en train de s'étaler dans la durée parce que notre ami Didier Bougon vient de nous confirmer là aussi, mais c'est ça aussi le direct, que on va le laisser finir. Il va venir dans quelques minutes. Revenons plus sérieusement au handball. Parlons de la Nationale 3 féminine, la poule 8. Il y avait la 17e journée de championnat qui s'est déroulée. Bourg-de-Péage recevait Étoile Beauvoisin, 34-13. Bouillargues, Marseille Nord, 42-32. Lacroix, Clermont-Salle, 35-30. Mazan, Plan de Cuc, 28-26. Hier, Grasse, 31-29. Et Plan Grasse contre Ajaccio, 27-25. Bourg-de-Péage, toujours leader avec 50 points bien installés. Deuxième, Mazan. Leur dernier rendez-vous, ça sera clairement Salagou. Là aussi, il faudra peut-être être présent à Mazan. On verra si on a les capacités de retransmettre ce match. Parce que là, ça sera définitivement le billet pour aller disputer le match de la montée en National 2. On a Carl Veissonneau au téléphone, pas encore. On va l'appeler. Carl, Jean-Yves, on revient une deux secondes sur ces matchs dont je viens d'énumérer. Et j'aimerais juste, avant de te donner la parole, donner le résultat d'un match de national, de pré-national féminine à Port-de-Bouc. Sorgue a perdu 39-25, mais elles seront bien l'année prochaine dans ce championnat pré-national féminine. Juste avant de rejoindre Carl Veissonneau, Jean-Yves, pour ce match face à Plan de Cuc. Que le suspense a dû être terrible. Ouais, le suspense a probablement été terrible, mais on est habitué avec les filles de Carl qui elles aiment bien des fois se mettre un petit peu la pression. Et puis surtout, ça les fait grandir tout simplement. Je crois qu'on a Carl, il va nous raconter. Carl, bonsoir Carl. Bonsoir. Voilà, Marie qui vient de rentrer, on va rester avec Carl Vissonneau juste avant. Carl, revenons un petit peu sur ce match. On connaissait l'enjeu. Parce que les filles ont envie de goûter aux phases finales, puis elles ont envie aussi de vivre, pour certaines qui ont déjà vécu ce style d'événement, et bien de finir une belle saison qui a été pleine pratiquement cette année. Il faut pas se cacher, ce championnat a été très dense, c'est pas terminé. Un dernier rendez-vous, c'est Clermont-Salagou chez vous. Mais revenons à ce match, face à Plan de Cuc, 28-26. Tu peux nous dire un petit peu comment cette partie s'est orchestrée? Bah écoute, ça a été une partie compliquée, hein, même si si on sait parfois sur le match offert des petits moments de respiration avec des plus 5 et des plus 4, elles sont revenues à chaque fois. On les a fait revenir, je pense, plus qu'elles sont revenues à chaque fois. Et puis c'était un match engagé, comme on le savait. Hein. Les filles sont sorties physiquement pas mal fracassées, puisque les Marseillaises sont des filles plutôt rudes, globalement. Et elles avaient envie aussi de gagner le match, puisqu'elles aussi jouaient une deuxième place. Hein. Donc voilà, c'était un match rude. Et bon, les filles au cœur, à la fin, ont réussi à garder... les petits points qui nous ont permis de gagner, quoi. Ouais, tu sens quand même cette force cette année. Hein. On sent que le groupe, on va dire, a mûri. C'est vrai que les filles jouent déjà depuis deux saisons pratiquement ensemble, hein, à ce niveau-là. On arrive dans les phases finales. C'est là aussi qu'on va dire, eh bien, il faut être prêt, quoi. C'est le moment où il faut être prêt. Elles sont déjà prêtes pour ce rendez-vous. Le prochain, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Clermont, Salagou qui va venir chercher. C'est Salagou ou je me trompe? Non, là on va à Étoile Beauvallon. Oui, mais après vous recevez. Et après on reçoit Clermont-Salagou. Ouais, Salagou. Et là donc, aussi, Clermont, les deux matchs qui viennent sont aussi importants que le match qui vient de passer. Exactement, hein, parce que Clermont-Salagou viendra chercher pratiquement, on va dire, sa qualification, quoi, hein, pour elle aussi finir second, quoi. À la maison, ouais. Ouais, c'est vrai, j'espère là aussi. Ouais. C'est quel jour, rappelle-moi, que j'essaie un petit peu de caler sur mon agenda. Ben là, on joue la semaine prochaine, là, samedi, c'est Clermont. Samedi, c'est Étoile, et le samedi d'après, donc le week-end du 7 mai, non, 6 mai, c'est ça ? 6 mai. Ouais, le week-end du 6 mai, on joue Clermont. Voilà, trois semaines, trois matchs. D'accord, je verrai si mon technicien... Bon, après, les autres, faut pas les perdre non plus. Hein, parce que mon acolyte, il est déjà déterminant, puisqu'on joue ceux qui sont juste derrière nous. D'accord, voilà. Bon, moi, on va voir un petit peu avec la station, mais je vais voir mon technicien. S'il est OK, en principe, on devrait être à vos côtés pour faire vivre, on va dire, ce billet, quoi. Parce que si vous gagnez là, en principe, c'est tout bon, quoi. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, Carl. Hein. Comment ? Si vous gagnez face à Clermont et Salagou, qu'il n'y ait pas d'incident au prochain match. Disons qu'il y a un bon pied de nid vers le barrage si on gagne Clermont Salagou. Oui, voilà ce que je veux dire. On va être à trois matchs, dont deux à domicile. Ouais. Oui, ça sera on jouera. Non, un seul, on joue Marseille Nord à Marseille. C'est tout. Ajaccio à la maison et Cagnes. On joue les trois derniers. Sur les trois derniers matchs. Voilà, et surtout que le plus important, c'est celui qu'on disait il y a deux minutes, avec Clermont et Salagou. Celui-là, il faudra le gagner à tout prix. Parce qu'après, bon, on va pas dire qu'on va pas dénigrer les autres adversaires, mais ce sera de notre Nom. Parce que Marseille-Nord, à Marseille-Nord, c'est jamais facile. Tout à fait. Et l'an dernier, on a perdu à Cagnes, donc voilà, on n'est pas... Voilà, mais disons que... En plus, après, ils se rencontrent, les plans de cul, Étoile Beauvallon et Clermont-Salagou. Ils se rencontrent les uns les autres, donc voilà, c'est intéressant aussi. Donc il y en a qui perdront des points, forcément. Fourreau est toujours dans une forme éblouissante. La capitaine aussi. Fourreau est sortie un peu déglinguée du match. Là, elle m'a envoyé des photos de ses bras. Et puis, voilà, elle a pris pas mal cher sur le match. Ah, oui. Mais bon, rien de grave, hein, des bleus, enfin voilà, ça a été un match très très très très engagé. Bien sûr. Voilà, les filles se connaissent les unes les autres en face, et voilà, les spectateurs étaient contents quand c'est tendu comme ça, ils aiment bien. Hein. Ah oui, non, mais j'adore ces matchs-là, moi aussi. Les entraîneurs, on aime tous ça. Mais je préfère quand c'est tordu plutôt, mais le gymnase était plein, les gens étaient ravis, écoute. C'est quoi qui a changé quand on les gagne ces matchs. C'est quoi qui a changé par rapport à l'année dernière à ce groupe? Parce que toi tu les as vus évoluer, tu les vois arriver elles ont envie d'y aller là. Je pense que le projet de jeu est clairement digéré, elles savent ce qu'il y a à faire. Voilà, je pense qu'elles s'occupent des détails qu'avant on avait un peu plus de choses à faire, fallait mettre le projet de jeu en place. L'équipe elle a deux ans de vie commune, donc il y a des choses des automatismes qui sont créés aussi. Il y a un esprit de groupe qui existe malgré tout. Et puis c'est vrai que les matchs qu'on perdait l'an dernier, on les perd pas cette année, même si c'est des nuls, on les perd pas. Donc voilà, ça crée une dynamique aussi. Cette ouverture, puis, je te pose une question. Moins on perd et plus on a envie de gagner, hein. Moins on a envie de perdre. On aime bien cet état de grâce, donc on fait les efforts et c'est plus facile de travailler la semaine. Quand tu perds pas. Hein. Voilà, et puis on va parler un petit peu du club. Juste, bon, l'équipe 1, certes, c'est, on voit pas de trou d'air cette année. Par rapport à l'année dernière, il y avait eu un léger trou d'air qui avait fait un petit peu descendre Mazan au milieu du classement. Cette année, ouais. Il n'y a pas eu. Tu as su le gérer ce moment faible que tous les clubs ont, hein, à la sortie des fêtes de Noël ou des fois dans des coupures très longues. C'était plus que la sortie des fêtes de Noël, puisqu'on a eu un mois. C'est ce que je veux dire, ouais. Le 12 décembre et on a repris au mois de février, donc d'accord, ouais. Bah, tu sais, on s'est pas posé 1000 questions. Elles ont fait énormément de physique pendant cette période, assez peu de handball et beaucoup de physique. Alors on s'est beaucoup pris la tête, mais on savait pourquoi on le faisait, et puis elles à terme se sont rendues compte que ça a payé, hein. D'accord. Donc on l'a géré plutôt comme ça. À la sortie de Noël, c'est toujours un peu compliqué, oui, mais c'est compliqué pour tout le monde. Je te pose une question au niveau du club aujourd'hui. Mazan grandit avec, ouais. On va dire, le partenariat ou le jumelage, hein. Hein. Avec Sorgue, pas encore. C'est pas encore fait. Ah si, Sorgue. Avec Sorgue, si, ça s'est décidé. Voilà. Ça, c'est un travail. Je veux dire, le problème, c'est que c'est une façon de grandir les choses. Quoi, parce de que... Pardon ? Oui, non, je disais, comment tu sais ça ? Oui, c'est fait. On a nos espions, Carl. On peut pas te filer nos infos, mais on sait tout sur toi et sur tes filles. Non, c'est pas ça, si tu préfères. Si tu préfères aujourd'hui. Si je dois dire que c'est fait, oui, non, mais il y aura une convention sans doute l'an prochain. Bien sûr. Sur les moins de 18, moins de 17 et sur l'équipe senior. Ouais. Mais c'est une façon de préparer l'avenir et de perdurer. Exactement. Dans la qualité de l'engagement qu'a Mazan, de former et de travailler avec sa formation pour avoir une belle équipe, c'est, et donner du temps de jeu et faire, et, on va dire, amener à l'épogée des jeunes joueuses de Sorgue qui auront peut-être du talent plus tard, grâce à Mazan, c'est beau, je veux dire. C'est ça qui est bien dans le sport, quand on peut le faire. Voilà. Bah écoute, on va essayer en tout cas, et puis je sais qu'au niveau des techniciens, on s'entend bien, parce qu'on travaille déjà pas mal ensemble au niveau du comité et tout ça, et bon, il n'y a pas de raison après que sur le côté politique ça fonctionne pas, hein. Mais nous on est très content que ça arrive, et ça sera un plus pour Mazan, un plus pour Sorgue, et surtout un plus pour les joueuses qui vont avoir des niveaux de jeu différents. Tout à fait. Voilà, elles auront le choix entre le compétitif, pas le loisir mais le moins compétitif. Nous, on aura une réserve pour faire jouer des filles qui ne sont pas tout à fait au niveau de la nationale. Elles joueront en PN, donc ça crée un niveau de jeu aussi. Donc voilà, c'est intéressant pour tout le monde y gagne. Voilà, donc faut que ça soit gagnant-gagnant, voilà, pour les deux structures. Merci Carl, merci. Et on a passé pour un bon... les jeunes sportives. Exactement. On accompagne dans leur projet. Je ne pouvais pas le signaler, parce que je sais que Mazan est au niveau de la formation et au niveau de l'engagement des jeunes équipes dans des championnats ligue, qui est pratiquement le championnat le plus relevé. C'est que du bonus, quoi, pour tout le monde. Ouais, voilà. Exactement. Merci beaucoup, Carl. Allez, passez une bonne soirée, à bientôt. À très bientôt. Voilà, pour le handball, c'est terminé. Alors, on va continuer avec le grand dossier ce soir. Top chrono, basket. Allez, on va juste faire une petite place à notre petite Marie. D'habitude, celle qui nous présente ce soir le sommaire. Je l'ai fait, bien sûr. Marie, comment tu vas ? Ça va bien. Après, t'as passé un très bon week-end, Pascal, et quelques petites vacances. Voilà, je suis de retour. Tu nous as ramené plein de rendez-vous. Plein de rendez-vous. Alors, on va la retrouver dans une dizaine, pas tout à fait, 7-8 minutes pour parler d'Horizon, ce magazine. Alors, vous avez de la chance, puisque vous allez pouvoir vous préparer et essayer d'orchestrer votre week-end qui risque d'être mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Restons plutôt dans le basketball national 1 jusqu'à quand ? J'arrive, fini ? Oh, ça y est, bonsoir, à bientôt. Voilà, donc c'est bien triste de commencer le basketball, par cette note du SAP, triste ou nette. On était parti pour faire un grand club, on est presque pris déjà rendez-vous avec la Pro B. À la sortie, on va se retrouver en National 2, on va divorcer et en plus, on risque de se taper dessus. Donc je plaisante très très fort en disant ça. T'es pas très loin de la vérité, Fred. On va reprendre les choses par le début. Oui, c'est mieux. On va déjà parler du match de... Tu voulais dire quelque chose, Didier, juste avant que je... Non, parce que quand Jean-Yves va démarrer, tu parleras plus. Hein. Justement, Jean-Yves, j'avais déjà écouté ses commentaires il y a plus de 15 jours de ça. C'est parti au départ. C'est dommage que là, il y a une fin de saison. Non. C'est très dommage, mais, ouais. Mais c'était juste annoncé, tout simplement. Pour réussir à diriger un club de sport, quel que soit le club, on l'a vu avec le rugby à Lille-sur-Sorgue, il faut avoir des gens à la tête du club qui ont un projet, qui sont cohérents, qui ne jouent pas aux apprentis sorciers, et surtout qui savent s'entourer. Ça, c'est l'article 1. Donc, on a au SAP des clubs qui ne s'aiment pas au départ, que on marie entre eux mariage de raison. Les mariages de raison, ça marche jamais. Les mariages arrangés, dans toutes les civilisations du monde, ça fonctionne jamais. Allez, on va faire comme si ça fonctionnait. Là-dessus, ça marche pendant une période de saison, deux ans. On a un entraîneur qui a une grande gueule, mais qui est très compétent, qui s'appelle Stéphane Dao. Et puis la saison dernière, on dit à Stéphane Dao, bon écoute, tu nous as gonflé, merci pour tout ce que tu as fait. On ne le remercie pas d'ailleurs. Ce que tu as fait, bravo, mais maintenant barre-toi. Donc allez, ça aussi, jusque là tu peux te dire, si tu as une bonne solution de repli, ça peut passer. Sauf que là on se retrouve avec un président qui se laisse berner sur le choix de son nouvel entraîneur. Il confie les clés du club, pas de l'équipe, du club, à un mec qui s'appelle Sylvain Lautier. Et Sylvain Lautier, dans son CV, il a marqué Coupe Corax, c'est la coupe, la petite coupe d'Europe. Sauf que Sylvain Lautier prétend avoir gagné la Coupe Corax comme entraîneur, il l'a gagné comme deuxième assistant. Ça fait pas, pas le même truc. Déjà différent. Donc on file les clés du club à ce mec-là, qui est un fou, un malade, un psychopathe, et qui simplement flingue le club. Et là, personne ne s'en aperçoit. Enfin, personne. Si, tout le monde, sauf la personne qui a voulu s'en apercevoir, c'est-à-dire le président. Sylvain Lautier crève les joueurs, se fait détester, impose des trucs... on a entendu parler dans le club d'anecdotes qui sont simplement stupéfiantes. Sylvain Lautier qui refuse qu'on lui serre, tu sais, quand les joueurs rentrent sur le terrain, qu'on lui tape la main droite, il faut pas, parce qu'il faut taper la main gauche parce que c'est du cœur. Les joueurs qui peuvent pas mettre la jambe droite sur la jambe gauche quand ils sont assis sur le banc, en fait, je t'en passe des meilleurs, mais c'est des anecdotes qui sont véridiques et vérifiables. Donc au bout d'un moment, quand même, on se dit, ce type est barjo, on ne gagne pas un match, on se retrouve, tant bien que mal, dans les derniers. Voilà, en janvier, on savait tous ce qui allait arriver, et c'est pas complètement un hasard. C'est juste que on a joué aux apprentis sorciers avec ce club. C'est juste un vrai gâchis. C'est un vrai gâchis parce que les joueurs sont très bons, ils l'ont montré. Depuis le mois de janvier, bien encadré, ces mecs-là ont enchaîné 10 victoires sur 17 matchs. Si tu gardes ces stats, 10 victoires sur 17 matchs, ça te fait 20 victoires à la fin de la saison. À 20 victoires, cette année, tu es dans les 4, tu joues les play-offs. Sauf qu'avec Lautier, les 20 victoires, tu ne les aurais jamais eues, et tu en aurais même eu beaucoup moins. Heureusement que François Sanz est arrivé, il a maintenu un petit peu l'espoir. Sauf que quand François Sanz est arrivé, François Sanz, qui est un mec juste extraordinaire, un bon technicien, un bon meneur d'hommes, et on va peut-être l'écouter. Ouais, je préfère vous faire, on écoute Sanz parce que tu es en train de tout sortir et ça, il n'y aura plus de charme. On va écouter quand même l'entraîneur. Cette victoire presque inutile finalement. Bah, elle est inutile puisqu'on se maintient pas. Maintenant, voilà, on a maîtrisé ce qu'on devait maîtriser. De toute façon, en cas d'égalité à 3 avec Gris, on passait pas. Donc maintenant, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait sur la phase retour. On gagne 10 matchs sur 17. Avec ce bilan-là, on joue à 5e place. Hein, donc ce soir, on a fait un match, le match qu'on attendait. On a été un peu fébrile en début de 4e carton quand ils jouent qu'avec des petits. C'était pas évident, on n'avait pas pensé qu'ils allaient jouer comme ça. Bon, voilà. Et puis un peu de fébrilité parce qu'on voulait vraiment bien faire. Maintenant, on prend le match. Je pense que les mecs ont fait, en tout cas moi sur les 4 mois que j'ai eu avec eux, par rapport à l'investissement, j'ai rien à leur reprocher. C'était très compliqué. Bon, la première partie de saison avait été ratée. C'était très compliqué de renverser la vapeur. Oui, il fallait finir sur voilà, il fallait finir à 11 victoires sur les matchs retour, ce qui équivaut à jouer un podium pratiquement. Donc moi je pense que ouais, s'il y avait un potentiel de l'équipe sur 4 mois, on ne doit pas être à 100%, mais on ne doit pas être loin. J'ai pas beaucoup de regrets. Ok, on perd le match de Rennes, on perd Gris, mais on tape Souffel, on tape 3 joueurs du top 5, 3 équipes du top 5, voilà, c'est plutôt bien. C'est peut-être en Rennes, Gris, qui est beaucoup de... Oui, mais à côté de ça, il y a aussi des victoires qu'on n'attendait pas forcément. Qui nous aurait dit vainqueur à Orchy, qui nous aurait dit vainqueur ici contre Souffel ou contre Quimper. Voilà, moi en tout cas sur ce qu'on a, la partie de championnat qu'on a eu à maîtriser, je pense que on a fait ce qu'il fallait et on a fait honneur au maillot au moins. En parler, c'est pas que. Enfin, j'ai vraiment apprécié mes 4 mois ici. Maintenant je l'ai vécu aussi à Aix. Descendre sur un niveau qu'on ne connaît pas avec un impératif de monter, c'est quelque chose de compliqué aussi. Ça va demander un peu de réflexion parce que ce soit pour moi ou pour le club, il faut trouver la meilleure solution pour l'année prochaine. Je ferme aucune porte. Sincèrement, j'ai passé 4 mois extraordinaires ici. Mais il faudra vraiment qu'on réfléchisse au mieux des intérêts du club, du SAP et des miens pour voir un petit peu. Il faut que la situation soit positive des deux côtés. Les deals gagnant-gagnant. Merci. Là, juste avant d'aller plus loin, quand j'entends parler François Sens qui dit que va devenir l'USAP pour le bien de l'USAP. Ça me fait juste rebondir sur une autre discipline où c'est que samedi soir, en quittant le parc des sports, je vois la brasserie de la Serre à l'Avignon fermée, donnée aux oiseaux. Mariage de réseau. Ce qui a dû coûter des yeux de la tête et qui ne sert à plus à rayer. Mariage arrangé, Fred. Si tu prends une petite fille et que tu l'obliges à se marier avec quelqu'un, même s'il a de l'argent, elle ne va pas pour autant l'aimer. Alors des fois, ça peut marcher. Mais c'est très rare. Je connais, pour être honnête avec toi, aucune fusion, aucun de ces trucs-là qui a fonctionné sur le long terme. Tu vas au foot, tu prends Evian Tolon-Gaillard, ça a explosé. Au rugby, tu prends... Ça peut pas. Tarbes, Lannemezan au rugby, il y a une paire d'années, on a annoncé ça comme le grand club des Pyrénées, ça peut pas marcher. Ils ont voulu marier Biarritz et Bayonne de force, ça marche pas. Ça peut pas fonctionner. Les gens se haïssent depuis 100 ans. Et là, du jour au lendemain, tu leur dis « Bon, allez, vous ne vous haïssez plus, maintenant vous allez vous aimer, mais vous allez quand même continuer chacun à vivre dans votre maison. » Il y a juste une chose, c'est que si le projet était bien mené à terme, que de suite, on passe d'un club professionnel de Pro B ou de Pro A, là, le mariage, il peut tenir. Il peut durer une paire d'années de plus. Mais ouais. À la fin, j'étais avec les Sorguets dimanche après-midi. Les Sorguets, ils continuent à parler du SAP comme de leur club. Les Avignonnais sont jamais vraiment rentrés dans le SAP, en fait. En tout cas, le public avignonnais et les Avignonnais pure souche se comportent toujours comme des, entre guillemets, c'est pas beau ce que je vais dire, mais des colonisateurs. C'est-à-dire, on est venu avec le fric et on marche sur les petits. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un président qui se dit, bon alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir l'argent? On arrive à la dernière année, tu sais, ces mariages-là sont programmés pour durer 3 ans. Si tout va bien, on les fait durer. Si tout va pas bien, chacun reprend ses billes. Voilà. C'est le président du SAP. Et après, je sais que tu vas encore revenir derrière, parce que sinon, on ne pourra pas passer tout le monde. Il est déjà 36. T'es le président du SAP, M. Martin. Forcément déçu de cette saison. On s'était vu en début de saison, on avait annoncé les playoffs, et puis on se retrouve à descendre. Le bilan, oui, le bilan n'est pas bon. On a trois ans où on essaie de chercher des playoffs, 3 ans où on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, en plus, l'équipe sportivement n'a pas réussi à se maintenir. Donc des erreurs inévitablement qui nous reviennent en tête sur des matchs qu'on avait gagnés, notamment à la maison, et puis que pour des erreurs humaines, hein, parce que le sport reste quand même quelque chose de très humain, on perd des matchs qui finalement nous coûtent la saison. Moi je tiens à féliciter François Sens pour son arrivée, sa capacité à remobiliser. Si on fait le bilan, maintenant c'est honorifique, mais sur les matchs retour, je pense qu'on est dans le top 4 ou le top 5 du championnat. Donc le groupe est à féliciter parce que les hommes sont les mêmes. Finalement, à part une blessure qu'on a su remplacer, mais un homme formidable qui est François Sens a réussi à remobiliser les troupes sur le projet SAP. Justement, est-ce que le président du SAP a des regrets, notamment le recrutement du coach en début de saison, par exemple, puisque À un moment, il faut bien parler de ce qu'il fasse. Oui, mais c'est vrai que c'est pas du tout l'image que j'avais d'un homme qui devait nous amener une expérience, une aura et un savoir-faire. Bon, finalement, le bilan de son passage a été pas du tout à la hauteur. Les hommes n'ont pas, les joueurs n'ont pas du tout couru à son message. Alors, je pense que tout ce qui était back-office, tout ce qui était le travail qu'il mettait en place vis-à-vis de l'union des deux clubs a été plutôt positif. Il nous a amené quand même un certain nombre de choses. Maintenant, c'est vrai que le bilan sportif n'est pas du tout à la hauteur d'un homme qui avait réussi à avoir une équipe champion d'Europe. Donc inévitablement, c'est pas le CV qui fait l'homme. Et en cas de relégation, le SAP existe toujours ou parce qu'on entend à droite à gauche qu'il y aurait scission. Est-ce que en cas de relégation définitive, le SAP existe toujours? Alors, il y a deux entités avec des hommes et des femmes qui sont à la tête de ces clubs. Donc il faut qu'on, nous dirigeants, on s'est déjà vu, on a déjà discuté sur ce qui nous semblait intéressant de faire. Maintenant les deux clubs doivent voir eux avec les comités directeurs de chaque club quelle est la stratégie pour l'avenir, sachant que il est évident que des communes et qui étaient très financeuses de notre équipe n'ont plus la capacité ou la volonté, un peu les deux d'ailleurs, de financer avec autant de montants. Donc on est vraiment dans une difficulté de reconstituer des budgets qui soient dignes de ce nom. Et voilà, j'ai coupé, j'arrive parce que quelque part t'as bien fait. Grosso modo ce qu'il dit c'est on nous avait promis de l'argent. J'avais aussi promis d'amener beaucoup d'argent, je ne vais pas être en capacité de les amener, mais une fois de plus, ça ne sera pas de ma faute, ça sera des autres, de la faute des autres. S'il n'y a pas d'argent, on arrête le SAP. S'il y a de l'argent, eh bien on continue à prendre l'argent des autres pour continuer à se gaver nous-mêmes. Grosso modo, voilà ce qu'il raconte. Je pense que ça ne va pas aller très loin. Et puis honnêtement, si tu veux mon avis, Fred, peut-être que cette relégation, c'est quelque chose de bien qui arrive au club. On va arrêter les conneries, on va arrêter le SAP. Je vais juste reprendre il y a quelques années en arrière, quand Sorgue était, on va dire, au sommet de tout ce que j'ai vécu, hein, puisque le quart de finale de la Coupe de France, et Sorgue avait joué face au SAP, et l'ancien président, ce monsieur que je ne me souviens plus, et il m'avait dit, Avignon n'est pas capable, ne sera jamais capable d'aller en National 1 et d'y rester. La raison, peut-être, lui, il avait peut-être les clés dans son idée au niveau de la structure du club, et de la mentalité des gens, quelque part, il dit à Sorgue, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que ça fonctionne, parce qu'il y a peut-être un groupe, il y a une âme de dirigeants et de gens qui sont prêts à mouiller le maillot pour que le club vive. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire, c'est-à-dire que peut-être que cette relégation, finalement, c'est une chance. On va arrêter les conneries, on va arrêter le mariage de raison. Le Ponte Avignon va repartir de son côté, Sorgue va repartir. Il repart en National 2, et bien tant mieux, presque tant mieux. Plus petit budget, c'est un peu moins ronflant, mais on va à nouveau recommencer à construire comme il faut. Et puis si tu dois rester 2 ans en National 2, mais qu'au moins tu reconstruis, et bien tu reconstruiras avec des gens qui ont envie d'être là, qui ont envie de s'investir. Voilà. Allez, voilà, la page basketball est terminée. On va passer au football, mais très rapidement, c'est un remake de Henri qui n'est pas là. Top chrono, football. Allez, je vous donne quelques résultats de football, c'est bien dommage, on va parler un petit peu de la CFA 2, ils ont perdu, je crois, il me semble, 2-0, encore une fois, nos amis Pontessien, si je ne me trompe, hein. Je suis en train de chercher, non tout à fait, ils ont gagné face à Mont-de-Marsan 2-0, ce qui leur permet d'avoir encore une petite chance de pouvoir se sauver, puisqu'avec les bonus malus, il faudra compter la fin de la saison, où nous en sommes, Mont-de-Marsan qui était second, eux revenaient un petit peu en délit d'étente, puisqu'ils ne pourront pas accrocher la première place en CFA poule D, en Ligue Méditerranée, en honneur, nos amis de Perne, si je ne me trompe, jouer face à Saint-Jean-Beaulieu. Ils ont mis 4 buts, 4-1, ils gagnent sur leur pelouse, ce qui leur permet d'être 10e dans cette poule. Donc Cannes est toujours le leader avec 72 points, plus de 10 points d'avance sur Andoum qui est second dans cette poule. En honneur régional, en fameux DHR, nos amis avignonnais dans l'Avignon ont encore gagné à l'extérieur, puisqu'ils jouaient à Ascagne. 3-1, ce qui leur permet d'être premier et de retrouver l'année prochaine la division d'honneur. Et puis nos amis de Courtaison qui jouaient, eux, à domicile, si je ne me trompe pas. Je suis suis en train de les chercher. Non, ils jouaient du côté de Mandelieu. Ils sont allés gagner 3-1, ce qui leur permet de remonter au classement et de se retrouver ce soir 6e à 2 points, même pas du 3e, ce qui leur permettrait de jouer, pourquoi pas, un petit tour à l'étage supérieur dont rêvent les dirigeants de Courthézon en PHA. De petits résultats. Courthézon veut jouer à 9, un partout. Veden et Lille-sur-Sorgue. Lille-sur-Sorgue est allé gagner du côté de Veden, qui leur fait un plus grand bien. Et Nyons, qui n'existe plus dans cette poule, puisqu'ils sont bon dernier et ils n'ont que 28 points, tandis que le premier Mayenne a 69 points. Voilà pour le football, c'est bien triste, mais on se languit que M. Henry, avec du Zouk Machine, revienne nous voir. À suite. Eh bien, ce soir, c'est Horizon avec Marie. Marie, même que tu es arrivée à l'heure, on n'a pas été vraiment à l'heure ce soir, parce que l'actualité était débordante. Alors, moi je vais vous proposer donc de la course à pied, du VTT, et je finirai avec une petite rando bistrot. Alors, samedi 29, ce sera le grand trail de Gigondas. Nous vous proposons de venir découvrir au travers de cette ultra trail les plus beaux paysages du Vaucluse. Vous traverserez les gorges de la Nesque, gravirez le mythique Mont Ventoux et regagnerez Gigondas en passant par les dentelles de Montmirail. Pour se rendre au départ de la course qui se situe sur la commune de Venasque, un bus navette sera mis à votre disposition à Gigondas. C'est compris dans l'inscription. Le village de Venasque est situé sur un éperon rocheux au flanc abrupt qui débouche dans les gorges de la Nesque. Vous traverserez ces gorges très impressionnantes formées de calcaire de l'ère secondaire. Le fond des gorges demeure tout aussi inattendu. Vous trouverez en bordure du torrent une chapelle troglodyte du XIIe siècle. Vous passerez par le village de Monieux et son lac avant d'entreprendre l'ascension du GR9+4 en direction du chalet Rénard. Et vous pourrez, selon votre heure de passage, admirer un sublime lever de soleil au pas de la Frache, puis de traverser dans la redescente les merveilleuses combes de la face nord du Mont Ventoux, dont celle la plus connue, Fonfiole. Vous emprunterez ensuite les lacets du GR4 qui remontent au mythique sommet du Mont Ventoux, qu'il culmine à 1912 mètres et redescendrez sur des magnifiques sentiers en direction de Malocène. Encore quelques kilomètres à parcourir en direction de l'arrivée à Gigondas, après avoir passé le col de la Chaîne. Il y a Jean-Yves qui se moque de moi, parce que j'en dis peut-être un peu trop. Enfin, c'est un final magique où vous passerez au cœur des somptueuses dentelles de Montmirail. Ce parcours est tout simplement magnifique. Ça, un paradis pour les amoureux de la nature et du trail. Mais c'est pour vous donner envie, Jean-Yves. T'as pas envie d'aller courir un trail, franchement. Bon. Le problème, c'est qu'il faut que la condition. Ça fait trop de kilomètres, il y a trop de dénivelé. 95 voilà. Kilomètres. Même en voiture, je le fais pas. Je voilà, donc 95 km, c'est ce qu'a dit Didier, donc voilà, armez-vous, c'est quand même pour des professionnels. Hein, bon. Ouais, c'est une belle course. Voilà. Ensuite, si vous préférez quelque chose d'un petit peu plus soft, ce sera dimanche, ce sera la 21e édition de la course La Lube Ronde à Aupaix-de-le-Vieux. Il y aura un 8,5 km, un 12,5 km et également un 24,5 km avec un dénivelé de plus de 1495 mètres. Il y a quand même un vélo de route à gagner. C'est quand même pas mal. Hein, et de nombreuses surprises sur le parcours. Jean-Yves sera là, on a remis des prix rien que pour le vélo. Ouais, et puis non, même pas. Bon, sinon, si vous préférez faire du VTT, ce sera toujours dimanche, ce sera la 3e édition de la randonnée VTT, la Transville ADN à Villedieu. Randonnée VTT au cœur du vignoble avec deux parcours, un 15 km pour découvrir le vignoble et un 25 km pour les sportifs. Il y aura un ravitaillement sur chaque parcours. J'en finis avec quelque chose d'un petit peu plus gastronomique. Ce sera la rencontre entre botanique et vin biologique dans le massif du Chaux. Ce sera le 29 avril et ce sera le bistrot pays Les Acacias qui vous propose une rando bistrot sous le signe du vin biologique. Au programme, au départ du château Simian, nous cheminerons vers les collines boisées du massif du Chaux. Au fil du chemin, Christine nous fera découvrir les plantes de cette forêt provençale par excellence, qui cache aussi un riche patrimoine industriel et historique, les ruines du Castelas, l'ancienne chapelle du XIIe siècle et les vestiges d'un moulin à farine du XVIIIe siècle. Puis après un bon repas salvateur au bistrot du pays, tenu avec passion par Céline et Agnès, les chemins nous ramèneront vers le château Simian, domaine familial depuis 5 générations. La famille Serguier nous accueillera dans son domaine viticole pour nous faire partager la passion de la vigne qui les anime. En fin de journée, le Festival des plantes rares est l'occasion toute trouvée pour parfaire cette initiation à la botanique. Le tarif d'entrée est de 4 € par personne pour les participants de la rando bistrot. Au menu, tartines de chèvre et poire, ballotines de volaille et ses tagliatelles sauce champignon, profiteroles, vin et café, et la dégustation de la farigoule Goule, qui est une liqueur de thym des distilleries et domaines de Provence. Le tarif est de 32€ pour les adultes, et de 8 à 12 ans, ce sera 16€, et réservation auprès de l'agence Provence Authentique. Mais moi, je vous donne le conseil d'y aller, parce que c'est vrai qu'une randonnée comme ça, c'est quelque chose de fabuleux. Avec des amis, c'est quelque chose de très... convivial. On allie la randonnée avec le côté gastronomique, c'est bien intéressant. Ouais, c'est super. Voilà. Super. Merci Marie pour ces beaux rendez-vous. En plus, on a tout eu, on a pour le sportif, pour les fondus, mais dans le bon sens. Quoi, hein. Oui, fondus. Voilà. Et puis après, on a surtout pour les gens qui ont beaucoup de fourchettes et qui aiment bien. Ah oui, j'ai oublié, le 1er mai, vous avez également, comme c'est le 1er mai, c'est vrai que. Allons-y. C'est un pont, c'est la course de la solidarité à Mazan, avec il y a 1 km à courir, un 5 km ou un 13 km, vous avez le choix. Eh bien, on sait lequel on va faire. Nous. Et par contre, le 2, si des fois le 2, tu serais là. Il y en a une autre aussi à Pertuis. Si vous préférez aller à Pertuis, ça sera la Sévanaise. Et ce sera un 15 km ou un 8 km. Voilà, parce que si le directeur d'antenne nous accorde pour faire un top chrono le 2, je dis ça aux auditeurs, et bien vous nous retrouverez mardi. Parce que sinon, pendant 3 semaines, pas de radio. Donc ça sera mardi. On espère. On n'a pas encore l'accord du directeur d'antenne, ça viendra dans la minute sportive. La suite.